Bon, mon petit GG, pendant que je te tiens, comment ça va? Ça va. En forme? Ouais. Comment va Bibi? Ça va, Bibi. Entrique, tranquille? Tranquille. T'aurais pas un petit poème à me lire, là, un petit truc? Là, j'ai deux minutes avant de faire la première pause de cette soirée, parce qu'après, on va avoir deux heures sans pub et on va enquiller quasiment une heure de libre antenne non-stop. Alors, ça serait bien que tu me lises un petit poème, une petite impro. Tu me fais pas un petit truc, mon petit kiki? Oh, mon petit kiki, tu vas voir ta gueule, toi. Ah, vers ta gueule, la crème. J'ai peur comme Stéphane Lalcolo, moi. Vas-y. Non, allez, vas-y, j'en ai un tas de la chance parce que je pensais pas que t'allais m'appeler maintenant. Allez, vas-y. Alors, c'est Marguerite. Ah, Marguerite. Elle, c'est dédié à qui? Ah, bon, je m'en fous, c'est dédié à qui tu veux. Hein. D'accord, aux femmes, vas-y, à ma princesse. Alors, Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur un chiffre. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur un chien. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur un saint-pangé. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur une chope. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur une chouette. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur un chouquin. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur un chou-fleur. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur un chouchou. Sur un quoi? Sur un chouchou. C'est... Ah d'accord, c'était quoi une chouka? Une chouka? Un chouka? Ouais. C'est un genre d'oiseau. Ah d'accord, je connaissais pas, Manu savait. T'as bien, excuse-moi, continue. Ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur une cigale. Et ma Marguerite, je voudrais t'offrir mon cœur sur une choupa chou. Sur une choupa choups. Choupa chou. Choupa chou, d'accord, ok. Je crois que c'était choupa choups. C'est les sucettes, ça. Bah ouais, c'est ce que tu suces. Bah ouais, c'est ce que tu suces. C'est surtout ta nana qui suce ça. Hein. Et en parlant de choupa choups, tiens, justement, écoute bien. Une boule sur un bâton, une affaire d'un bonbon. Choupa choups, choupa choups. La sucette en boule. Elle est bien, hein? Oh non, mais toi, t'as toujours le... Ah, j'ai toujours le truc, hein, toujours tout est calé, tout est prêt. Pourtant, je savais pas qu'il allait dire choupa choups. Vous avez rien que pour le plaisir, on va se le remettre une deuxième fois, parce que j'aimais que vous aimez ça. Tout le monde debout, attention, vous êtes prêts? On y va pour la blagos, et c'est parti pour la petite pub de choupa choups. Écoutez plutôt et chantez avec eux. Une boule sur un bâton, une affaire d'un bonbon. Choupa choups, choupa choups. La sucette en boule, boulet tout petit ballon, c'est un gros bidule. Choupa choups, choupa choups. Choupa choups, choupa choups. Vous aimez bien? Encore? Eh ben, bah y'a qu'à demander! Une boule sur un bâton, une affaire d'un bonbon. Choupa choup, choupa choup. La sucette en bouche, boulet tout petit ballon, c'est un gros bidule du tout bon. Choupa choup, choupa choup. Choupa choup, choupa choup, choupa choup. La sucette en boule, un peu ma boule. Choupa choup. Encore? Vous êtes lourd! Une boule sur un bâton, une affaire d'un bonbon. Choupa choup, choupa choup. La sucette en bouche, boulet tout petit ballon, c'est un gros bidule du tout bon. Choupa choup, choupa choup. Choupa choup, choupa choup. La sucette en boule, un peu ma boule. Choupa choup. Encore? Oh là là! Une boule sur un bâton, une affaire d'un bonbon. Choupa choup, choupa choup. La sucette en boule, boulet tout petit ballon, c'est un gros bidule du tout bon. Choupa choups, voilà, allez, on arrête là. Bon, d'accord, allez, parfois une dernière. Gérard, en tout cas, merci. Il n'y a pas de quoi. Pour tout, t'embrasse Bibi. Okay. D'accord, et je m'excuse par rapport à hier, si t'as écouté, Fildar a un peu merdé avec tous les j'ai envie de câlin. Hein. Non, c'est pas hier, c'est lundi. C'est lundi, ouais, t'as écouté, c'était chaud, hein. Ouais, grave de chez grave. Voilà, grave. Il est branché, il est branché ce mec-là. Il a que ça à dire, grave de chez grave. Ouais, faut bien trouver une expression. Ouais, l'autre, ça y est, tu vas se faire des t-shirts avec ses expressions et tout. Voilà, allez, très bien. Mais il a raison, il se renouvelle, c'est bien, ça fait plaisir. Gérard, à très bientôt. Ok. Il peut renouveler son savon aussi. Hein. Oh, elle est pas mal, celle-là, elle est pas mal. Il a rigolé, il a trouvé ça sympa, bravo les gars. Hein. Gilda, il a trouvé ça sympa. C'est quand même relativement très, très, très, très rare.